vacilo. There's a wet one. Baby, you're pump. What was it? Baby, you're pump. What was it? Not a meal. Vivir cantando, ah, no hay que llorar. para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando, carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todo por la boca cantar, carnaval, ay señores, hay que vivir cantando, carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca está solo, Dios está con él. Tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan Kukala, kukala, puka, kukala, que se hace. Kukala, kukala, puka, kukala, que ya sabe. Kukala, kukala, puka, kukala, que ya sale. Está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que ya sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Cucala, cucala, cucala, que cuca, cucala, que ya sabe. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Ah, está moderna, te juro mi negrito que es un tormento. Tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. Imagine le monde comme un bébé.

me up and spill over me. Of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Nobody's free till everybody's free. We walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. The banished, tortured, and enslaved. The selfless spirit and commitment and forgiveness. United in a dream for victory. Here's to the battlefield for justice. Of the banished touching and enslaved. Respect and forgiveness, united in the dream for victory. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect and forgiveness. United in the dream for victory. Tú tienes la bemba colorada, pa' mí tú no eres nada. Oh, tú tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón ahí. Pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Tú tienes la bemba colorada, canta tu rumba, bemba. Maradona te visto la bemba. Colora, colora, colora, colora, colora, colora. Hoy en el grito tu bemba. Mira te creció la bemba. Y no vale más porque tu bemba. Colora, tu bemba, colora, tu bemba, colora, colora, colora. FIFA, maybe Bongilo.

Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie. Plus jamais du ciel ou jamais des matins gris. Je suis sorti des brumes, je me suis enfui. Sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh que j'aurais voulu vous ramener ce soir. Des mers en furie, des musiques barbares. Des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit de nos retintamarres. Des coquillages blancs et des cailloux salés. Qui roulent sous les vagues mille fois ramenés. Des rouges éclatants, des soleils éclatés. Dont le feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, et j'ai le désespoir. Légère si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir. Avec les langues, il va te souvenir. Et j'étais l'ouragan et la hache de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part. Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Des hommes sont murés tout là-bas, quelque part. Les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli. J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard. Qui me menait ici, ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blond. Où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort, là-bas quelque part. Mais un enfant est mort. Le soleil est noir, j'entends le glas qui sonne, tout là-bas quelque part. J'entends le glas sonner, et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur égratigné. Car de les regarder, de les entendre vivre. Avec que j'ai eu mal, avec que j'ai désiré. Je ne ramène rien, je reviens solitaire. Du bout de ce voyage, au-delà des frontières. Est-il un point de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire, pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes. Et si je pouvais seul faire taire les armes. Je jure que demain je reprends l'aventure. Pour que cesse à jamais toute cette déchirure. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire. Mais je suis fatigué, et mon soleil est noir. Pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir. Le cœur est gratigné, et j'ai le désespoir. Le cœur est gratigné, et j'ai le désespoir. I got it. bahía, tie mi moa, viñi lenio. Chekale fuwa o Bebe wala si baia Bebo po a po Chalerirawa Ewa kamura fojonye Ninu okyaya Oluwa funwa nyayeo Eje karupeo Baia kwa koko wako Ireji walona Aburore ni kokoa Ewa kalole Aburo imikani wao Kamura sife Vidani leji baia Tie mi moa, miñi lenio Ore I fea ye ile Ore I fea ye ile Ore I fea ye ile Ore I fea ye ile Kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba. Me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentito, mientras canto guaguanto, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanto, ea. Kimbara kumbara kimba kimbamba Kimbara kumbara kimba kimbamba kimbamba, kimbara kumara kima kimbamba. Ajera da munyo, ajera. aje da da no bi aje aje aje aje aje da da mu yong to this place. There's no smile like the smile on your face. There's no joy like the joy of the soul coming in. There's no joy like the joy of the soul coming in. Sara, are Perdido de Allah.